La Voix du sang, une enquête de Nat Pinkerton, le plus illustre détective de nos jours. Chapitre 1er, visite nocturne. Freddy Tuckerton, un des jeunes gens les plus lancés et les plus en vue de la haute société new-yorkaise, possédait à Somersworth, petite localité de l'état du Maine, un domaine considérable, composé pour partie de terres cultivées, et pour partie d'une immense forêt séparée par une simple grille du magnifique parc à l'extrémité duquel s'élevait une villa aux dimensions de château. En face se groupaient, autour d'une grande cour carrée, les communs et les bâtiments d'exploitation, étables, granges, remises, etc. Il y avait 7 ans déjà que Freddy, à la mort de son père, dont il était l'unique héritier, était devenu propriétaire de cet important domaine. À vrai dire, il semblait n'en faire que peu de cas, et n'y venait guère passer quelques semaines qu'en automne, à la saison des chasses. Le reste du temps, il demeurait à New York, toujours occupé de fêtes et de plaisirs. Son père, qui avait laissé la réputation d'un homme dur et orgueilleux, avait amassé des millions. Il avait commencé modestement, avec une toute petite propriété, mais grâce à une administration sage et prudente et aussi à d'heureuses opérations, il l'avait agrandi peu à peu, jusqu'à en faire le domaine considérable qu'il avait légué à son fils. À son lit de mort, il avait fait promettre à Freddy qu'après lui, il s'occuperait de l'exploitation et de la mise en valeur de ses propriétés. Mais à peine son père reposait-il au cimetière, que déjà le jeune homme se sentait de nouveau irrésistiblement attiré vers New York. C'est là qu'étaient ses amis, toutes les personnes qu'il connaissait, au jugement et à l'opinion desquelles il tenait. C'est là seulement qu'il pouvait jouer un rôle. C'est là seulement qu'on savait l'apprécier à sa valeur. Partout, en effet, on lui faisait fête, on le recevait à bras ouverts. Comment faire grise mine, un gaillard rembourré de billets de banque sur toutes les coutures, et qui, il faut le dire à la louange du jeune homme, ne demandait qu'à rendre service à ceux qui le sollicitaient, que ces solliciteurs fussent dignes d'intérêt ou non. À ce train-là, le patrimoine de Tuckerton n'eût pas tardé à être sérieusement ébréché, si par bonheur pour lui, il n'avait eu à Somersworth un vieux régisseur qui avait servi son père pendant de longues années. Cet homme avait, pour ainsi dire, grandi avec James Tuckerton, qu'il n'avait jamais quitté de sa vie. Il était déjà à son service, alors que le domaine était encore des plus modestes, et il avait été témoin des efforts énergiques, persévérants et heureux de son maître pour l'agrandir. Le jeune Tuckerton avait une confiance en borne. Dans Pascog, c'était le nom du régisseur. Et cette confiance, hâtons-nous de le dire, était justifiée de tout point. En dépit de ses 70 ans sonnés, Pascog était resté alerte et vigoureux. Il s'entendait à merveille à gérer les biens et à défendre les intérêts de son maître. Aussi, Freddy n'avait pas à craindre de se trouver jamais à court de ressources, puisque les revenus du domaine, au lieu de diminuer, allait chaque année en augmentant, lâcha-t-il la bride à tous ses instincts de dépense. Il était un des rois de l'élégance à New York. Il donnait le ton dans le monde où l'on s'amuse, ce monde de riches oisifs et de jeunes désœuvrés, sans cesse en quête de plaisirs inédits, de sensations nouvelles. Pascog gagnait l'argent, Tuckerton le dépensait, et chacun s'acquittait à merveille du rôle qui lui était échu. Cette année-là, au début de la saison des chasses, Freddy Tuckerton était venu s'installer pour quelques semaines à Somersworth. Tout le personnel, sous les ordres du vieux Pascog, avait salué de bruyantes acclamations l'arrivée du jeune maître. Celui-ci, qui était d'une humeur charmante, fit distribuer à ses braves gens une petite somme d'argent, ce qui lui valut naturellement un nouveau concert de louanges et de bénédictions. Sitôt arrivé, Freddy ordonna qu'on préparât un certain nombre de chambres, car il attendait plusieurs de ses amis qu'il avait invités à venir chasser avec lui. Ils devaient arriver sous peu, et Freddy les attendait avec impatience, car tous ces jeunes fous s'étaient promis de mener joyeuse vie pendant ces quelques semaines et de révolutionner par le tapage qu'ils feraient les paisibles habitants de la bonne petite ville de Somersworth. Le pauvre Freddy ne se doutait guère de l'événement tragique qui allait mettre à néant tous ses beaux projets. D'ailleurs, jamais l'idée ne lui était venue que la destinée, après l'avoir comblé de ses dons, pût le trahir. Aussi ne s'inquiétait-il jamais de l'avenir, le présent suffisant amplement à l'absorber tout entier. Une fois ses ordres donnés, son installation personnelle terminée, il se mit à bâiller, en songeant qu'il lui allait falloir passer la soirée tout seul. À la rigueur, il aurait pu faire venir le vieux Pascog, dont il appréciait fort les talents et les services, et bavarder un moment avec lui. Mais cette perspective ne lui souriait que médiocrement. Le vieillard ne pouvait guère causer des seules choses auxquelles Freddy s'intéressa. Il parlerait du domaine, des baux à renouveler, des cultures à entreprendre, etc. Et justement, Freddy avait ce genre de conversation en horreur. Et puis, pourquoi diable fut-il allé se mêler de choses qui marchaient si bien sans lui? Que pouvaient lui faire les détails de l'exploitation pourvu qu'à la fin de l'année, le résultat fût là, palpable? La chambre à coucher de Freddy était au premier étage de la maison. Inutile de dire qu'elle était un modèle de luxe et d'élégance. Elle avait un magnifique balcon tout couvert de vignes sauvages qui donnait sur le parc et d'où l'on pouvait embrasser dans toute son étendue la superbe allée de platanes qui conduisait en droite ligne jusqu'à la grille d'entrée. Vers 11 heures du soir, avant de se mettre au lit, Freddy vint s'accouder un instant sur ce balcon. La nuit était d'une clarté, d'une pureté merveilleuse, et la lune baignait le parc de sa lumière argentée. Une brise tiède soufflait du sud. Un silence profond, si profond qu'il en prenait une sorte de solennité, enveloppait la nature tout entière. Quoique, avec le genre de vie qu'il menait à New York, Freddy n'eut guère le loisir ni surtout l'occasion d'admirer les beautés de la nature, elle ne le laissait cependant pas insensible. Cet admirable spectacle, dont depuis si longtemps il n'avait été le spectateur, produisit sur lui une profonde impression. Peu à peu, il se laissa aller à une sorte de rêverie mélancolique et ne contempla plus que d'un œil distrait l'allée qui s'étendait devant lui. Aucun bruit ne troublait le calme de la nuit. Les domestiques dans la maison, les valets dans les communs, tout le monde dormait. Tout à coup, Freddy tressaillit. Il lui semblait que là-bas, tout au fond du parc, il venait de voir une forme humaine, une ombre, sortir furtivement d'entre les arbres, traverser rapidement l'allée en ce moment éclairée par les rayons de la lune, puis disparaître presque aussitôt de l'autre côté. Freddy porta machinalement la main à son front. Avait-il bien vu ou avait-il été le jouet d'un rêve? Il n'aurait pu le dire. Il était tellement absorbé dans sa rêverie qu'il n'avait remarqué cette ombre qu'au moment où déjà elle disparaissait. Très perplexe, le jeune homme rentra dans sa chambre où toutes les lampes étaient allumées. « Ah ça !» se demanda-t-il. « Est-ce que je vais devenir visionnaire, moi? Par exemple, voilà une chose qui ne me serait jamais arrivée à New York. Après tout, j'ai peut-être bien vu. Bah, c'était sans doute quelque valet de la ferme qui courait en rendez-vous et qui, préférant naturellement ne pas être aperçu, prenait ses précautions en conséquence. Il aurait pu, à la rigueur, réveiller les domestiques et faire fouiller le parc. Mais à quoi bon? Si l'homme qu'il avait vu ou cru voir ne tenait pas à se montrer, il n'aurait pas grand-peine à se soustraire à des recherches entreprises au hasard, au milieu de la nuit. Bah, se dit finalement le jeune homme. « Je suis fou de me mettre ainsi martel en tête pour rien. Couchons-nous. » Sur ce, il se déshabilla, s'étendit entre ses draps et éteignit la lumière électrique. Une nuit serait bien vite passée, surtout dans un bon lit, et dès le lendemain tout allait changer. Demain, plusieurs de ses amis arriveraient et la soirée ne ressemblerait guère à celle d'aujourd'hui. On chanterait, on rirait, on boirait du champagne. À la bonne heure, voilà la vie. L'esprit rempli de ces agréables perspectives, Freddy s'endormit enfin. Au clocher de Somersworth, minuit sonnait lentement. Freddy entendit encore confusément, comme dans un rêve, les 12 coups de la cloche, puis il s'endormit. Mais son sommeil devait être de courte durée. Brusquement, il eut l'impression qu'une main glacée lui étreignait le cœur. Il se réveilla en sursaut. Dehors, sur le balcon, un bruit venait de se faire entendre. Si léger qu'il fût, il avait suffi à réveiller Freddy, qui ne dormait pas encore bien profondément. Machinalement, il se mit sur son séant et regarda du côté du balcon dont il avait laissé la porte ouverte en rentrant dans sa chambre. La lune, qui se trouvait justement au-dessus des arbres du parc, laissait filtrer par cet interstice une large bande de lumière qui venait tomber sur l'épais tapis dont la chambre était couverte tout entière. Quel ne fut pas l'effroi du malheureux jeune homme en voyant se profiler sur cette raie lumineuse la silhouette démesurée d'un homme qui, debout sur le balcon, se tenait devant la porte-fenêtre dont il venait de repousser brusquement les deux battants. Cet homme était de taille moyenne. Il était vêtu d'un grand manteau noir qui lui retombait jusqu'aux pieds. Un chapeau de feutre noir à large bord descendait jusque sur son front. Un masque également noir lui recouvrait le visage. Cet homme tenait en joue un fusil braqué sur le malheureux Freddy, que la terreur clouait sur son lit, l'empêchant de faire le moindre mouvement. Quelques secondes terribles s'écoulèrent, qui parurent une éternité au jeune homme, si l'autre tirait s'en était fait de lui. En effet, à cette distance, et avec la clarté que répandait la lune, il était matériellement impossible qu'il manquât son coup. Déjà Freddy faisait ses adieux à la vie, quand une voix aux inflexions rauques se fit entendre derrière le masque. « Freddy Tuckerton, je suis venu ici pour régler nos comptes. Vous et les vôtres, vous nous avez fait beaucoup de mal, il y a longtemps de cela. L'heure est venue où tout ce mal, il va falloir le réparer. C'est la voix du sang qui me pousse ici et qui me fait crier vengeance. J'espère qu'elle parlera en vous et vous décidera à me restituer ce qui m'appartient. » Freddy ne fit pas un mouvement, mais il répondit « Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je n'ai jamais fait de tort à personne et je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Rappelez bien vos souvenirs, Freddy Tuckerton, et vous retrouverez certainement dans votre mémoire le fait auquel je fais allusion. Avez-vous donc oublié que le domaine où vous vivez aujourd'hui et que vous considérez comme votre bien appartenait jadis à un autre que vous avez ruiné et perdu? Nous ? » s'écria Freddy, qui reprenait peu à peu son sang-froid et qui était bien résolu à vendre au moins chèrement sa vie. « Nous ? C'est nous que vous accusez, mais c'est lui-même qui a été l'unique artisan de sa ruine !» Et il voulut rejeter les couvertures. « Halte là ! » cria l'homme d'une voix menaçante. « Pas un geste où je tire ! Vous êtes à ma merci et j'userai de mon avantage !» Freddy comprit que c'était sérieux. « Voyons, que me voulez-vous? Expliquez-vous » dit-il en levant lentement la main, dans l'espoir de pouvoir ouvrir le tiroir de sa table de nuit où se trouvait un Browning chargé de 6 coups. « Baissez la main tout de suite !» répéta la voix impérieuse de l'homme masqué. Puis il désigna un grand coffre-fort en acier dans lequel le vieux régisseur Pascog déposait l'argent qu'il touchait pour son maître et où Freddy enfermait également ses fonds quand il séjournait à Somersworth. « Ouvrez ce coffre-fort !» dit l'homme d'un ton menaçant. « Ce qui est dedans m'appartient, c'est mon argent à moi. »« C'est ce qu'il faudrait prouver d'abord, » s'écria Freddy, qui, rassemblant tout son courage, sauta à bas du lit. Maintenant au moins il se trouvait face à face avec son adversaire. « Ce n'est ni le lieu ni l'heure de fournir des preuves, » répliqua celui-ci. « Par l'enfer et le diable, je jure que cet argent est à moi. Cela doit vous suffire. »« Eh bien, » dit Freddy, « si vous vous croyez dans votre droit, poursuivez-moi devant les tribunaux. » Un éclat de rire méprisant lui répondit « Les tribunaux, la justice !» Comme s'il y avait encore une justice aujourd'hui. Comme si le pauvre monde ne perdait pas toujours contre les gens riches. Non, non, la meilleure justice, c'est celle qu'on se fait soi-même. Et puis en voilà assez, ouvrez ce coffre-fort !» En même temps, le canon du fusil se braquait sur le front du jeune homme. Si encore celui-ci avait pu, en allongeant la main, saisir l'arme et détourner le coup, il l'aurait tenté, au risque de sa vie. Mais l'inconnu avait soin de se tenir à telle distance que cela même était matériellement impossible. Sous son masque noir, ses yeux étincelants ne quittaient pas Freddy une seule seconde. Il était facile de voir qu'il se tenait sur ses gardes et qu'il ne fallait pas songer à le surprendre. Il semblait d'ailleurs qu'il eût deviné l'intention de sa victime. « N'avancez pas !» dit-il d'une voix sifflante. « Au premier pas que vous faites, je tire. Je tire et je décampe. Soyez tranquille. » On ne m'attrapera pas. Quant à mon argent, je reviendrai le chercher pendant qu'on vous enterrera. » Ces paroles firent passer un frisson de terreur dans le dos du jeune homme. Il comprit, rien qu'au ton dont elles étaient prononcées, que son adversaire était décidé à tout et se montrerait impitoyable. « Une dernière fois, » répéta l'homme masqué, « ouvrez. Je compte jusqu'à 3. Si à 3 vous n'avez pas ouvert, je tire. » Il recula d'un pas, sans cesser de tenir son fusil braqué sur Freddy. Celui-ci mesura d'un coup d'œil la distance qui le séparait d'une porte donnant sur une pièce contiguë. Une chance de salut, bien faible et aléatoire, il est vrai, lui restait. Ne pouvait-il faire semblant d'aller au coffre-fort, puis sauter vivement de côté, d'un bond atteindre la porte, l'ouvrir et disparaître? Même si l'autre tirait, il n'aurait pas le temps de viser avant d'être revenu de sa surprise. En tout cas, il était peu probable que sa balle atteignît son but. Freddy n'était pas lâche. Plutôt que de se soumettre docilement à la force brutale, il résolut de tenter la chance de lui en coûter la vie. L'homme masqué commença à compter. « Une, deux !» La voix rauque avait une inflexion de plus en plus menaçante. À deux, Freddy Tuckerton se mit en marche, se dirigeant lentement vers le coffre-fort. Puis soudain, à un demi-tour, un bond rapide, il atteignait la porte, mettait la main sur le bouton. Mais déjà une détonation retentissait. Freddy sentit une douleur atroce dans le dos au-dessous de l'épaule droite et eut l'impression très nette qu'un jet de feu lui traversait la poitrine. Un brouillard de sang passa devant ses yeux, il tomba à la renverse et resta étendu sans mouvement. Dans la maison, tout le monde s'éveillait. Au rez-de-chaussée, les chiens aboyaient avec rage, à tous les étages on se levait et on descendait les escaliers précipitamment. Aussitôt, après avoir fait feu, l'homme masqué s'était rejeté sur le balcon. De là, se suspendant à un des piliers tapissés de vignes sauvages, il s'était laissé glisser jusqu'à la terre. Il y avait déjà longtemps qu'il avait disparu dans l'obscurité impénétrable du parc, lorsque le vieux régisseur Pascog, après s'être armé à l'aide d'un fusil de chasse, pénétra dans la chambre à coucher de son maître, où il trouva celui-ci étendu sur le tapis atteint d'un coup de feu dans le dos. Inutile de dire qu'au château, tout le monde fut aussitôt sur pied. En envoyant toute hâte des hommes à Summersworth pour en ramener des médecins et prévenir la police. Sur les ordres de Pascog, plusieurs domestiques armés, munis de torches et de flambeaux, fouillèrent le parc dans tous les sens, car la porte-fenêtre du balcon restait ouverte, indiquait assez clairement par quel chemin le meurtrier s'était enfui. Mais toutes les recherches, malgré le zèle et l'ardeur qu'on déploya, demeurèrent infructueuses. On avait déposé provisoirement le jeune homme sur son lit. Le premier médecin arriva bientôt, et il commença avant toute chose par étancher et arrêter le sang qui coulait de la blessure. Dans le courant de la nuit, plusieurs autres médecins arrivèrent. Tous furent d'accord pour déclarer que la blessure de Freddy Tuckerton n'était pas grave et que sa vie ne courait aucun danger. La balle, en effet, était entrée au-dessous de l'omoplate, mais n'avait pénétré que très peu dans les chairs. Elle n'avait donc pu léser aucun organe essentiel. Elle s'était arrêtée à quelques centimètres de la peau, et l'extraction en fut opérée sans la moindre difficulté. Quel était le coupable? Telle était la question que tout le monde se posait, mais à laquelle personne ne put donner de réponse, pas même le blessé, puisqu'il était toujours évanoui. D'ailleurs, eût-il été en état de parler, que son témoignage n'aurait pas été d'une grande utilité pour la police, et il n'en savait guère plus que les autres.